M & Back. Ce soir, à l'aérospatiale, l'exposition Pop-up Sarah va mettre sa propre à Materia, Jordan Bennett et Étienne Baillargeon à Regard, le 30e anniversaire de l'École de joaillerie de Québec et l'œuvre du temps à la clarté Dieu avec Marie-Claire Tremblay. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'aérospatiale, votre magazine radio en arts visuels à Québec. Audrey Caro en votre compagnie ce soir, et je suis seule au micro car Jean-Tienne Lafrance est malheureusement retenue par le travail ce soir, mais elle sera bien sûr de retour avec nous la semaine prochaine. Nous la saluons très très hautement ici ce soir. Eh bien, il faut dire, notre émission est très remplie et on a de nombreux invités pour parler d'expositions et d'événements qui sont à ne pas manquer cette semaine. Et bien sûr, donc, cette semaine, vous allez voir, rester jusqu'à la fin parce qu'il y a l'agenda de la semaine qui va être très, très chargé. Donc, prenez déjà à l'avance papier, crayon en main. Donc, on va commencer cette émission ce soir avec Mathilde Leveau et Sarah Thibault qui viennent nous présenter l'exposition Pop-up. Sarah va mettre sa propre présentée au Centre Materia qui réunit le travail de 6 artistes, dont nos deux invités, mais également le travail de Ludovic Bonnet, Marc-Antoine Côté, Marie-Claude Drolet et Jean-Robert Drouillard. Et qui dit pop-up dit une exposition très courte parce qu'elle ne se tient que sur 2 jours, donc ce vendredi et samedi. Donc, on va les rencontrer. Ben, on va dire bonsoir, mesdames. Vous êtes déjà ici en studio. Bonsoir. Alors, on vous retient quelques instants parce qu'on va justement en discuter davantage. Et par la suite, je vais discuter avec Anne-Christine Guy, qui est coordonnatrice aux communications chez Regard, qui va venir nous parler des expositions de Jordan Bennett et d'Étienne Baillargeon qui sont actuellement en cours et ce jusqu'à dimanche chez Regard, donc de l'autre côté de la rive à Lévis. Et en deuxième moitié d'émission, je vais m'entretenir avec Robert Langlois, président du conseil d'administration de l'École de joaillerie de Québec au sujet des festivités qui entourent le 30e anniversaire de l'institution qui est, à vrai dire, ici à quelques pas seulement de CKRL. Et on va terminer avec Marie-Claire Tremblay qui va venir nous parler de l'exposition L'œuvre du temps, une exposition de Paul Béliveau, Jocelyn Gasse, Aline Martineau et Bill Vincent, donc qui est présentée actuellement à la Clarté Dieu, et elle va en profiter pour nous parler également aussi de ce lieu quand même assez singulier qu'on connaît très peu, hein, et qu'elle a découvert cette fin de semaine, un lieu qui allie art et spiritualité. Donc, et comme je vous disais, restez jusqu'à la fin pour l'agenda de la semaine. On va commencer avec une petite pause audio ici, la sélection de Simon Roy, toujours cette semaine, qui nous présente un groupe qui nous vient du sud de l'Italie, donc de Palermo, qui fait dans l'électronique post-rock qui s'intitule Cinéma Noir. Ce sont ce soir des extraits de Children Kill Ants et on va commencer avec un premier extrait, Forget Reality. Thank you. on débute l'émission avec deux invités ici. Sarah Thibault, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mathilde Deveau. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour nous parler de cette exposition que vous avez mise en place avec quatre autres collègues et qui s'intitule « Sarah va mettre sa propre ». J'imagine, c'est toi ça, Sarah? Ah oui, c'est moi. Donc, une exposition qui, au titre, il faut le dire, ma foi, assez humoristique et qui sent le printemps à plein nez, hein, cette belle journée printanière aujourd'hui. Et si on va faire un petit tour aussi sur votre page Facebook d'événements, on vous voit tout en fleurs, hein, vraiment resplendissant, tout en fleurs. Donc, vraiment, une exposition donc qu'il faut nous parler. Est-ce que c'est parce que c'est le printemps qui vous anime? À vrai dire, parlez-moi du contexte de cette exposition-là. Bien, en fait, c'est une exposition qui s'est présentée, c'est très spontané, en fait. Là. Mm-hmm. Tout ça s'est concrétisé en un mois, je dirais. Ah, quand même. C'est vraiment parti de discussions entre amis. Mm-hmm. Du désir de vouloir exposer notre travail ensemble. Donc, le titre de l'exposition « Sarah va mettre sa propre », c'est assez représentatif du contexte dans lequel tout ça s'est créé, en mm-hmm. fait, là. Parce que je pense que c'est Mathilde qui a dit ça au cours d'une conversation, quelque chose comme ça. Donc là, Ludo a dit « ça pourrait être ça notre titre ». Mm-hmm. De fil en aiguille, ça s'est concrétisé là, comme ça. Ouais, c'est ça. Donc le projet s'est vraiment monté sur un coup de tête comme ça, parce qu'on avait envie d'être ensemble, de présenter notre travail ensemble. D'accord. Parce que vous parlez aussi de rencontres, de partage, d'amitié dans votre petit texte de présentation. Il faut quand même le dire, vous évoluez tous aussi autour de la Maison des métiers d'art de Québec, je pense. Oui, plus ou moins. C'est sûr qu'on en est tous sortis. C'est ça, oui. Un point commun. Jean-Robert et Ludovic ont été nos professeurs. Mm-hmm. Bon, ça a surtout été des belles rencontres des gens pour qui on a travaillé à notre sortie de l'école, puis qui nous ont aussi beaucoup aidés, je pense. Oui. Et puis, dans le fond, le travail que vous allez présenter, est-ce que ce sont de nouvelles œuvres? Comment aussi ces œuvres-là vont se manifester dans l'espace? Est-ce qu'il y a des dialogues qui vont s'établir, des rapports entre ces œuvres-là? Oui, ouais, c'est sûr. Bah, c'est majoritairement de la sculpture, des installations, un petit peu de dessin aussi. Mm-hmm. Bah, c'est sûr qu'on se connaît tous très, très bien. Puis, à force de travailler dans les mêmes endroits, il y a des liens assez étroits qui se créent, puis c'est toujours pas forcément des œuvres qui naissent toujours dans les mêmes ateliers, mais qui se côtoient quand même, mm-hmm. souvent, veut pas, puis on trouvait ça très intéressant de les mettre dans un même espace et qu'il y ait justement des liens entre elles. Oui, que ça fonctionne ensemble. Oui. Ouais, donc ça va être majoritairement, en fait, le travail de tout le monde, c'est un travail nouveau. Mm-hmm. Et pour la plupart, fraîchement sorti de l'atelier aussi. Là. Ah, donc, c'est intéressant, c'est comme une manière de mettre ça à l'essai aussi. Ouais, en même c'est temps. Ça. Tu sais, quand on parlait d'un événement spontané, il y a des œuvres qui ne sont même pas terminées à l'heure où on se parle. Donc, une fois, quand on va monter l'expo, ça va être aussi spontané. Une rencontre entre amis, on va en discuter. Ça va mm-hmm. être fait sur le coup qu'on va faire tout ça. Là. Sur le coup. Et puis, j'imagine, c'est parce qu'il y avait un petit trou aussi à Materia, donc, où vous pouviez vous émisser pour présenter tout ça, j'imagine. Hein? Oui, puis comme on a tous des pratiques... pour la plupart, on a des pratiques sculpturales, on oui. avait besoin d'un espace relativement vaste là, pour pouvoir meubler tout ça de nos objets. Donc, Materia, avec la salle, nous permettait de prendre l'espace suffisamment, là. Ah ben c'est intéressant ça aussi, puis dans ce lieu aussi qui est voué aux métiers d'art, un rapport avec la Maison des métiers d'art en fait, puis tout le monde qui gravite un petit peu autour de ça, quand même, il y a des belles relations. Puis c'est intéressant parce que vos pratiques aussi, sur le plan des matériaux, peuvent se rejoindre. Hein? Mathilde, toi tu travailles le métal, on pense à Marc-Antoine, à Ludo aussi, qui travaille beaucoup avec ce médium-là, on pense à Jean-Robert avec le bois, je pense que Marie-Claude Drolette aussi travaille le bois. Également. Toi, Sarah, qui touche à toutes sortes de médiums, finalement, t'es comme, t'englobes un peu tout ça, là. Ouais, moi, c'est plus... c'est un peu plus cheap, là, ce que j'utilise, là. Façon de parler. Mâché, du polystyrène, là. Ouais, mais quand même, on est encore dans la sculpture, quand même, avec... on est peut-être aussi dans le petit peu plus exubérant, si je veux dire, sur le plan visuel, avec les fleurs, avec le doré, aussi, en tout cas. Moi, ouais, ça m'évoque un petit peu ça, là, mais quand même. Et puis, pourquoi pourquoi avoir choisi une formule pop-up? C'est parce que justement, ça allait bien avec le côté spontané, si je peux dire, du projet de départ? Oui, pas mal pour ça. Puis on voulait que ce soit quelque chose d'assez événementiel, de mm-hmm. court, une rencontre entre amis, là. Donc, on prévoit ça, on le fait rapidement, ça dure pas longtemps. Puis donc, le pop-up, c'était une autodiffusion qui nous permettait ça, puis qui nous permettait aussi, comme on a des pratiques assez différentes tout de mm-hmm. même, là, mm-hmm. ça nous permettait de se rencontrer aussi. C'est peut-être une exposition qui aurait jamais eu lieu si on n'avait pas nous-mêmes parti le projet, disons. Là. Oui, oui, oui, effectivement. Et puis, ben écoutez, il faut dire aussi que ça va être une belle occasion de vous rencontrer, j'imagine, tous le vendredi soir, parce que c'est le vernissage. Mais vous disiez que c'était ouvert dans la journée aussi, hein, le vendredi, on c'est peut passer. C'est ouvert au public à partir de 11h30. Oui, parfait. Le vendredi. Et puis après ça, c'est 17h30, on parle du vernissage. Le vernissage est à 17h. À 17h, ça va durer probablement jusqu'à 22h. Et le lendemain matin, le samedi, donc ça réouvre à 11h30 et ça va être ouvert jusqu'à 17h30. D'accord, d'accord. Donc vraiment, il faut inscrire ça à l'agenda et, ouais. et ne pas manquer ça. C'est là où jamais. Oui, exactement. Eh bien, mesdames, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté cette exposition. En tout cas, qu'on a bien hâte de voir. Là, moi, je suis très fébrile de voir comment tout ça va dialoguer aussi, puis voir un peu, peut-être encore voir les œuvres toutes fraîchement terminées également. Donc, un vernissage qui s'annonce. Je m'attends à ce que ce soit quand même assez festif et très, ouais. très achalandé, ouais. hein, sûrement. Ça risque d'être festif, effectivement. Excellent. Eh bien, on vous souhaite vraiment une très belle exposition et puis on va aller, justement, si on peut dire, s'aérer les poumons là, de nouveautés et les yeux aussi, les poumons de bon air printanier, mais les yeux aussi en cette belle... On annonce la neige demain, là, mais quand même, ça va nous faire du bien, là, j'en suis certaine. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci. Donc, on fait une petite pause audio, toujours avec Cinéma Noir, et c'est l'extrait Alice. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL 89.1 et puis je suis en compagnie maintenant de Anne-Christine Guy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es coordonnatrice aux communications chez Regard et tu es là pour nous parler donc des deux expositions qui ont cours actuellement. Oui. Celle en lien avec Manif d'art, donc de l'artiste Jordan Bennett, une installation qui s'appelle Herd, mais ouais. Qui s'écrit pas pareil ici, Herd comme un troupeau et Herd comme entendu, donc aussi. Exactement. Ouais. Et qu'est-ce que nous présente cet artiste? Donc, Jordan Bennett, pour mettre en contexte, oui. est un artiste autochtone. Il vient de Terre-Neuve, c'est un Micmac, et ce qu'il propose est, dans le fond, une réplique d'une tactique de chasse de sa communauté, mm-hmm. dans le fond. Donc, c'est une tactique qui est ancestrale, qui avait pas été, en fait, refaite depuis peut-être 150 ans. Ah, quand même. Ouais. Donc, lui, il reprend quelque chose qui s'est fait transmettre par des personnes plus âgées, mm-hmm. mais qui avait pas été pratiquée. Et c'est, bon, la technique, là, je l'explique, c'est l'utilisation de branchages qui forment des genres de clôtures, avec aussi des écorces de bouleau qui créent un son avec le vent, ce qui fait que le troupeau de caribou passe à travers cette clôture-là et ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté, ou du moins est effrayé par le bruit, donc il va suivre une ligne que les chasseurs ont placée, puis se retrouver dans une clairière où les chasseurs peuvent tuer les animaux. C'est ça, avoir un certain contrôle sur le troupeau. Ouais. Donc, Jordan s'est amusé à faire une réplique de cette tactique-là dans la galerie à regard. Pour ceux qui l'ont pas visité, bon, ça forme un grand L. Mm-hmm. Donc, dès qu'on rentre, on est dans ce genre de clôture-là. Donc, on a des branches et des bouleaux. C'est ça, les branches, je vais expliquer, sont placées en croisée aussi. Donc, plutôt difficile, par exemple, pour le troupeau de s'en aller ailleurs. Hein. C'est très directif, il faut le dire. Oui, et c'est ça, c'est pas facile de passer là, à travers. Là. Mm-hmm. Puis, bon, fait qu'il y a ces trucs-là, et aussi l'utilisation des écorces de bouleau. Oui. En ce moment, à la galerie, il y a des ventilateurs qui fait qu'on reproduit l'effet du vent, exact. Du bruit des bouleaux. Et à la toute fin, on se retrouve devant un projet vidéo. Donc, Jordan a filmé le territoire de Terre-Neuve sous la neige. Donc, il y a certains moments dans la vidéo, un troupeau de caribous qui se retrouve en surimpression sur la vidéo. C'est pas parce que vous venez voir l'expo que vous allez le voir, parce que ça passe, mais c'est une vidéo qui est quand même assez longue. Mm-hmm. Moi, je l'ai vu une fois, ce fameux troupeau en surimpression. C'est ça, parce que c'est très subtil, il faut rester attentif. Oui, il est vraiment comme en transparence, mm-hmm. sur cette... dans le fond, c'est un espace enneigé, on voit l'horizon, on voit une forêt. Il y a aussi le son qui se retrouve dans l'exposition. Donc, on entend parfois le bruit de motoneige, les bourrasques de vent. Donc, on est vraiment, c'est ça, dans l'expérience de la chasse, mais dans la galerie. Il y a aussi la pierre, la labradorite qui a été placée aussi un peu comme une genre d'hôtel qui est là d'hôtel, c'est assez petit, là. Oui. Mais c'est un élément aussi naturel qui vient augmenter aussi la réplique de cet espace-là. Comme une petite poussière rouge, je pense, un peu rougeâtre. En fait, la pierre est à peu près noire, mais il y a eu l'ajout du pigment, là, dont j'oublie le nom spontanément, là, mais rouge, effectivement, mm-hmm. qui fait que quand on voit la pierre, elle a l'air rougeâtre. Okay. Puis, ce pigment-là, les chasseurs s'en servaient aussi, je pense, pour faire différents maquillages. Et là, rarement dans les expositions, on peut toucher, mais Jordan avait un peu cet espoir-là que les gens allaient être attirés par la couleur de la pierre, puis allaient toucher, puis en repartant, qu'ils repartent avec un peu de l'exposition avec eux-mêmes. Donc, finalement, il ne faut pas hésiter à être curieux, à aller toucher cette petite pierre. C'est rare qu'on va dire aux gens qu'ils peuvent toucher, mais là, c'est le temps. Fait qu'il faut en profiter. Mais faut pas être dédaigneux puis pas vouloir avoir de la couleur. C'est sûr qu'on va être marqué par la couleur, mais ça se lave bien après ça. Et puis, c'est intéressant parce que dans le fond, il y a plusieurs, je pense, niveaux de lecture aussi de cette œuvre-là, parce que là, bon, tu nous parles que finalement, dès l'entrée, il y a ces clôtures qui nous dirigent vers le vidéo. À la fois, là, tu viens de dire qu'on peut aussi peut-être toucher cette poussière-là. Donc, à la fois, le spectateur peut être troupeau, mais aussi peut être faire partie de ce troupeau-là qu'on essaie de diriger, mais également aussi peut-être cet autochtone qui chasse, si on veut, avec ce pigment. Ben, effectivement, c'est vrai que quand on rentre, on est un peu troupeau parce qu'on va être attiré, on va essayer de suivre le chemin, mais après ça, comme on n'est pas des animaux, on reste, on peut prendre le temps de vérifier. Puis c'est ça, de découvrir un peu l'exposition d'une manière tactile aussi. C'est sûr que, tu sais, on voit aussi toute l'installation, les, tu sais, les, je dirais, là, comme les jupons dépassent, là, mm-hmm. on voit les les ventilateurs, on voit tout ça. Donc effectivement, on peut être dans la peau du chasseur. Donc il y a une belle sensibilité là-dedans. Puis moi, on a côtoyé Jordan aussi avant l'exposition. Puis c'est intéressant parce que il a vraiment poussé l'expérience à l'extrême, parce que les branches qui sont en galerie ont été ramassées avec sa famille, le boulot aussi. Mm-hmm. Quand il est arrivé à la galerie, les bénévoles qui l'aidaient à monter l'exposition ont aidé à défaire les branches de boulot. Donc c'était vraiment de même si en bout de ligne c'est pas une expérience de chasse réelle, c'est une exposition artistique, c'est de refaire tout le rituel qui entourait ça. Puis ça, ben c'est intéressant aussi, ça donne une autre dimension à l'exposition, ça donne quelque chose de super touchant. Puis pour Jordan, ce côté-là rentrait aussi dans l'idée de la joie. C'était là pour lui, où est-ce qu'il s'inscrivait dans cette célébration-là de la joie à travers toutes les autres expositions là, de la manif. Je comprends. Et puis aussi, il y a quand même une réflexion aussi plus sérieuse. Donc, tu disais qu'il y a que c'est un artiste autochtone, Mi'kmaq, mais Jean-Tiane m'en parlait la semaine dernière en me disant aussi que c'est une nation, il vient de Terre-Neuve, qui n'a pas été jusqu'à tout récemment reconnue pendant très, très longtemps aussi. Donc, tout ce bagage, ce patrimoine aussi a été un peu dans l'ombre pendant de longues années. Oui, c'est ça. Dans le fond, les Mi'kmaq, pendant que la loi des Indiens, j'aime pas ça ce mot-là, là, mais passait, Terre-Neuve faisait pas partie encore du Canada, donc ils ont pas été reconnus comme peuple autochtone. Mm-hmm. Donc, le processus de reconnaissance se fait maintenant. Malgré tout, ça reste qu'il y a des savoirs qui se sont transmis, mais c'est une culture qui est restée tout le temps un peu en arrière-plan. Jordan disait que il y a des membres de sa famille qui se sont déclarés autochtones très tard. Puis c'est ça, tu sais, je suis pas autochtone, donc je peux pas m'imaginer tout ce que c'était de vivre ça, mais je pense que c'est de s'affirmer autochtone, c'était aussi un pas qui était complexe à faire. Comme pas un geste politique, mais quand même, c'était un geste fort, là. C'est ça. Il fallait être courageux aussi, là. Mm-hmm. Donc, tout ça. Puis, mais en même temps, en ce moment, il y a comme un regain de la culture, des jeunes qui veulent vraiment se réapproprier leurs racines, vraiment mettre ça de l'avant, qui sont fiers d'être autochtones. Donc, lui, il s'inscrit dans cette jeunesse-là qui veut montrer, réaffirmer ses racines et le clamer haut et fort, là, justement, montrer la beauté de tout ça, de tout ce patrimoine, j'imagine. Oui, puis c'est intéressant, il le dit en anglais, mais tu sais, il dit c'est pas une renaissance, c'est comme une continuité. Mm-hmm. Puis c'est sûr que renaissance ne signifie pas nécessairement mort, mais tu sais, pour lui, c'est comme la culture est pas morte, mais on la modernise. Puis même dans l'exposition, tu sais, il a reproduit une technique de chasse, mais il disait, ben il y a des petits cordages rouges de couleurs vives, ben rouge, plein de couleurs en fait. Mais ça, c'est cette utilisation-là de matériaux nouveaux, pour lui, c'était aussi une réactualisation de la technique, de dire, ben aujourd'hui, on la ferait comme ça. C'est ça. Puis on utiliserait tel type de matériaux, donc... Enfin, à aller expérimenter, oui, véritablement, puis à prendre le temps, je pense aussi, c'est ça qui est important pour bien saisir tous ces petits détails, puis aussi prendre le temps de regarder la très belle vidéo aussi. Eh bien, il faut dire qu'il y a également aussi Étienne Maillargeon qui est dans la vitrine des membres, donc une exposition au moins qui est intéressante, qu'on peut voir en tout temps, finalement, en marchant sur la rue, tout près du traversier. Oui, bien c'est ça, comme c'est la vitrine des membres, ça donne sur l'extérieur. En fait, ça se voit même pas de l'intérieur. Faut passer par dehors. C'est Étienne Baillargeon. C'est un de nos membres. C'est un membre qui est là de longue date. Fait que c'est vraiment un plaisir de l'accueillir dans la vitrine. Très actif aussi pour le centre, je pense. Oui, effectivement. Donc, c'est ça. C'est le fun qu'il soit là. Étienne, il propose, en fait, un assemblage de plusieurs éléments de travail qu'il y a depuis longtemps, du travail d'atelier. C'est un artiste qui a été beaucoup actif plus dans l'audio, l'art numérique, la performance, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas présenté un travail sculptural. Donc, on a Hôtel Les Cordes qui est en fait le tripode, qui est comme la sculpture emblématique du travail d'Étienne, qui est au centre. On est dans une espèce d'hôtel. Il y a différents objets qui peuvent être un peu des objets sacrés qui sont installés dans cet espace-là. C'est un peu une volonté de créer une forme d'ambiguïté, de mystère. C'est ça que j'allais dire, hein, parce qu'on a l'impression d'un sanctuaire très ambigu. On ne sait pas trop où est-ce qu'on se trouve, mais la disposition des objets nous rappelle la disposition sacrée, des lieux sacrés, religieux, aussi. Oui, non? Oui, ben c'est, ça utilise ces codes-là, on mm-hmm. les comprend, on ben en tout cas, moi, les églises, c'est ce que je connais le plus du sacré, mais on ça. Voit un peu comment l'hôtel est disposé à l'église, puis on regarde comment Étienne a fonctionné, a installé ses trucs. Ça marche dans cette logique-là, puis l'espace, la vitrine fonctionne bien aussi pour ça. On a une vitrine qui est comme en... qui a une forme là similaire à l'espace dans une église qui va comme sortir, on dirait j'arrive pas, mais c'est comme un hexagone oui, dans oui. le fond. Mm-hmm. Donc tout ça participe à créer ce lieu-là qui est un peu embêtant mais plein de petites curiosités aussi. Mm. Donc oui, enfin, peut-être ceux qui ont l'esprit un peu mal tourné, ou du moins, on peut passer un petit sanctuaire, peut-être, pour adultes. Oui, effectivement. Aussi. C'est vrai qu'il y a en des cas, formes. En tout cas, faut croire que j'ai l'esprit mal tourné parce que, mais ce tripode-là qui est en plein centre de l'espace est vraiment intéressant parce qu'il est très, on sent le travail de la matière aussi. Il est pas, comment dire, moi, même en même temps, ça me faisait penser comme quasiment un petit extraterrestre en même oui. temps aussi, comme s'il était en mouvement. La façon qu'il est placé, là. Ouais, on dirait une petite bibitte, là. Tu sais, on comprend ouais. pas trop si c'est quelque chose qui devrait pas bouger ou pas. Mm. Puis c'est vrai que le travail de plâtre, la texture est forte. Ouais. Puis, tu sais, pour en avoir vu d'autres tripodes, des fois, ils vont être plus lisses, plus précis. Mais là, on a quelque chose qui, effectivement, a l'air de vouloir ou pouvoir prendre vie. C'est ça, oui. Des fois, ce serait curieux là, de voir en plein milieu de la nuit, peut-être qu'il y a des choses qui se passent qu'on voit pas quand exact. On n'est pas là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'animal. Oui, de quelque chose de brut, en tout cas, certainement mm-hmm. dans la matière, dans comment cette œuvre-là se présente à nous, là, c'est certain. Oui, exactement. Donc, ces expositions-là sont à voir jusqu'à dimanche? Oui, c'est ça, jusqu'au 26, donc c'est la fin. Faut se garrocher. Ben, c'est maintenant c'est ou jamais. Maintenant ou jamais, parce que en tout cas, c'est le fun parce que vous êtes dans les derniers des centres d'artistes à avoir encore des expositions de manifs d'art. Donc, il faut en profiter. Profitons de la fin de semaine pour aller justement prendre le traversier, aller de l'autre côté, aller oui. vivre, prendre une petite marche là, au bord c'est du fleuve. C'est une belle petite sortie. Là. C'est, oui. c'est comme faire une croisière puis voir de l'art. Ben voilà, tout est dit. ça nous donne le goût d'y aller, c'est certain. Mais Anne-Christine Guy, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va se déplacer pour aller voir ces expositions de Jordan Bennett et de Étienne Bayard. Alors nous, on va en pause publicitaire et on revient de l'autre côté avec Robert Langlois pour parler de l'École de joaillerie de Québec. CKRL.QC.CA. Ici Marianne Marceau, porte-parole de la Journée mondiale du théâtre 2017 avec Kevin McCoy. Le lundi 27 mars, nous vous invitons à célébrer la Journée mondiale du théâtre. Entre 15h30 et 17h, des escouades de comédiens envahiront des autobus du RTC pour livrer un numéro de comédie musicale. Profitez d'un 2-pour-1 du 28 mars au 2 avril dans plusieurs théâtres de Québec. Les détails au culture-québec.qc.ca. Bonne Journée mondiale du théâtre. À quoi tu penses? Radio de Tournance. Notre objectif. Et c'est bien vrai. $42,000. Donner. C'est ce qui compte. La fin de semaine du 31 mars. On est de retour pour cette deuxième demi-heure de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL et je suis en compagnie de Robert Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du conseil d'administration de l'École de joaillerie de Québec. Exactement. Mais vous êtes aussi joaillier, vous aussi. Exactement. Joaillier très actif dans la région, oui. Oui, c'est ça. Et puis, dans le fond, là, vous êtes ici pour nous parler de du 30e anniversaire, donc, de cette institution, hein, ici. Exactement. Qui est à quelques pas de CKRL. C'est à l'autre bord de la rue. Là. Quasiment c'est pas voisin. Très loin. Quasiment voisin. Donc, parce qu'il faut rappeler, donc, une école qui a été fondée en 1987 par deux joailliers et également aussi le centre de formation et de consultation en métier d'art. Je exactement, pense, là, 30 ans, justement, oui. Deux joailliers de la région, Pierre oui. Bélanger, puis de... voyons, il me manque un... Oui, attendez un peu. Guy Audette, voilà. Aussi. Fait que c'est deux personnes importantes de la région. Oui. Puis c'est ça, fait 30 ans cette année. Donc, nous, l'école, on a décidé de faire un événement assez spécial parce que mm-hmm. c'est la soirée aussi à impliquer quand même des 30 ans d'étudiants qui sont passés. Oui. Moi, j'avais comme mission, ben l'école avait comme mission, mais moi, j'ai voulu upgrader la mission un petit peu plus haute, à ramasser au moins une trentaine de bijoux, dans le fond, en dons. Mm-hmm. Fait que présentement, on a 35 bijoux qui sont déjà donnés à l'école, dans le fond. Puis ça va générer, nous, à l'école, on voulait aussi favoriser la vente en ligne de ces œuvres-là aussi pour l'école, dans le fond. Puis les sous amassés vont revenir à différentes activités pour l'école, mais c'est la communauté de nos anciens étudiants qui ont participé à ce don-là. Ah ben c'est intéressant, fait que finalement c'est un peu l'histoire de l'école qui se manifeste exactement. Au travers de ces bijoux amassés. Puis là vous dites, dans le fond, on va pouvoir les acheter, de quelle façon? Ben c'est ça, dans le fond, là on les a tout compilés, j'ai tout fait, des photographies de ça, puis ils vont être justement au lancement. Dans le fond, c'est la première fois qu'au grand public qu'on va les voir. À l'événement qui a lieu cette semaine, le 23, on va voir tous ces bijoux-là dans les vitrines, dans le fond de l'école, pendant l'événement. Et on peut l'acheter sur place aussi, ça, il n'y a pas de problème. Et après, il y a une petite durée de cette exposition-là à l'intérieur de l'école, mais après, on va les retrouver sur la plateforme Etsy, une plateforme de vente. OK, dans le fond, ceux qui n'auront pas trouvé tout de suite preneur exactement. à ce moment-là, ben c'est bien, parce qu'il faut dire, à l'école de joaillerie aussi, il y a une approche aussi très contemporaine du bijou. À la fois, plusieurs font des pièces uniques ou de très petites séries, ou sinon, il y en a qui le font un petit peu plus en série un peu plus large, je c'est pense. Sûr, ouais, exactement. C'est un peu de tout, finalement. Un peu de tout. Mais c'est sûr que la mission première de l'école, on est axé vraiment sur la créativité là, des pièces. Donc, dans cette optique-là, c'est sûr qu'on peut avoir différentes avenues. Tu sais, on peut faire une petite série, on peut faire des moyennes séries puis des grandes séries. Mm-hmm. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant de l'école, c'est tout le côté recherche puis essayer de se dépasser un petit peu. Oui. Puis c'est le meilleur moment pour le faire à l'école, là, de fouiller dans dans notre tête puis tout ça. Puis même présentement, à l'événement aussi, il y a Filière 11 qui sont là. C'est vers exactement. Là que j'allais aller, parce que de toute façon, on va recevoir une des artistes la semaine prochaine pour en parler davantage. Mais reste que c'est un groupe de jeunes femmes qui finalement... 11 artistes, je pense, c'est bien ça pour ce filière 11, mais qui travaillent donc la joaillerie contemporaine, qui vont nous présenter une belle exposition exactement. Là, de leurs pièces. C'est vraiment de la recherche. Il ne faut pas nécessairement s'attendre à des métaux précieux, puis c'est pas ça le but. Là. Moi, en tout cas, à chaque fois que je rentre dans ce local-là de création, c'est particulier parce que ça te fait décrocher. Moi, ça me décroche de mon quotidien. Là, oui. Parce que moi, j'ai un pignon sur rue, puis c'est autre chose. Mais en allant là, on rentre dans une phase là, assez intense. Moi, c'est sûr, je le ressens peut-être plus que les personnes, là, mais mm-hmm. c'est très intéressant de voir ça. Puis ça, moi, en tout cas, ça m'inspire. Puis je sais pas si c'est juste pour les filles. Là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de filles, là, mais peut-être un jour, je serai peut-être dans un autre type de filière. Et puis, il faut dire aussi que à l'école, il y a c'est assez ouvert aussi les techniques. Hein. Il y en a qui utilisent je pense par exemple la modélisation ou l'impression 3D. Donc, c'est beaucoup plus large que le bijou qu'on va, si on peut dire, à la vieille école, là, qu'on peut avoir en tête aussi. Fait que c'est intéressant de découvrir ces productions peut-être plus justement qui dépassent ce à quoi on va, tu sais, qui sont très créatives aussi. J'imagine. Ah, c'est sûr que ça fait partie maintenant de nos cordes. C'est une nouvelle approche qui est très intéressante là, à exploiter. Moi, de mon côté, je travaillais avec Aaron Bass dans le passé, aussi avec voyons, le design de l'amphithéâtre, dans le fond, la bague de l'amphithéâtre. Oui, oui. Fait que j'ai travaillé avec Aaron là-dessus. Mais l'école aussi, maintenant, ça n'a pas pris cette technologie-là parce que tranquillement, pas vite, on sait que les jeunes sont approchés vers cette techno-là. C'est sûr qu'il y a un beau monde parallèle à faire avec les deux aussi. Autant le côté traditionnel puis le côté, on pourrait dire crémeuse, mais c'est le côté 3D. Mais je pense qu'il y a une belle fusion à faire avec cette nouvelle technologie-là. Puis l'école, depuis 2 ans, cette impression 3D-là est possible. Puis offre une formation aussi en cours du soir pour le dessin 3D. Ah, excellent. Et puis, à part de ça, dans les festivités aussi, je vois ici dans le communiqué, on parle d'un gâteau. Mais un gâteau assez particulier. On parle de plus de 30 000 $. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce gâteau-là? Ben, dans le fond, ce gâteau-là, c'est vraiment tous nos fournisseurs, ben, pas tous nos fournisseurs, mais certains fournisseurs ont participé. Dans le fond, nous ont légué certaines pierres et métaux précieux pour, dans le fond, garnir ce gâteau-là. Mm-hmm. C'est moi qui ai le mandat de le faire. Donc, c'est moi qui est dessus. Je suis dessus présentement en train de le faire. Oui. Fait que c'est ça. Ça va être, déjà, c'est exceptionnel de le voir, là. J'achève là, mais c'est particulier de voir ça. Puis dans le fond, c'est de créer un buzz aussi. Puis j'invite les gens à venir le voir parce que ça va être intéressant de voir tous ces pierres là semi-précieuses dans un même lieu, mais sur un gâteau, tu sais. Oui. Non comestible. C'est ça, j'allais demander, est-ce qu'on va pouvoir se partager un morceau de ce gâteau? Non. Mais non. Si vous êtes on pourra peut-être le couper, mais il va falloir débourser. Oui, effectivement, c'est sûr, c'est certain. Et puis aussi, c'est une belle occasion, donc, de cette soirée, parce qu'on ne l'a pas mentionné vraiment encore, là, vous l'avez dit vite tantôt, mais c'est ce jeudi 23 mars. C'est à la fois aussi une occasion pour rencontrer des anciens élèves, des joailliers ou joaillières qui sont qui ont maintenant, justement, leur petite entreprise et tout, parce qu'il faut le dire aussi, tout ça, le monde du bijou, c'est un milieu qui est très foisonnant, je pense, à Québec aussi, mais qui amène son lot d'entrepreneurs également aussi. Donc, on va pouvoir rencontrer ces gens aussi. Sur place, ça, c'est sûr. Ça va être un événement à aller voir. Puis en même temps, vous allez voir les artistes, mais vous allez voir aussi où ce qu'ils ont parti. Puis aussi venir voir l'espace atelier de l'école aussi, qui est génial. T'sais. Vous allez voir dans quoi qu'on travaille. C'est sûr que l'école, c'est particulier, mais chaque artiste a son petit environnement de travail aussi à la maison. Mais ça va donner une très bonne idée de l'environnement de travail d'un artiste aussi. Puis ça va venir, à venir les voir sur place. Puis on a aussi quand même Chantal Gilbert qui est une artiste. Ben moi, j'ai lu comme professeur, là, mais elle a quand même une belle carrière internationale. Donc, on a des profs qui ont des bons piliers. Michel Alain Fort qui est là depuis le début, qui est comme pour nous une encyclopédie de la joaillerie. Fait que ces personnes-là vont être là aussi sur place, là, des personnes importantes pour tous les étudiants qui vont revenir à cet événement-là, puis voir revoir les professeurs aussi. Oui. Puis aussi, il faut le dire, c'est ouvert à tout le monde. Il faut quand même le spécifier. C'est pas juste pour les anciens étudiants. Non, c'est, vraiment c'est ouvert à tout le monde, exactement. En même temps, aussi un genre de porte ouverte. Pour dire à tous. Donc, même, j'imagine, des jeunes et moins jeunes qui seraient peut-être intéressés à venir à l'école. C'est sûr qu'il faut venir voir ça. Là. C'est ouvert au grand public. Il faut venir voir ça. Faut pas manquer ça. Oui. Et puis, je disais tout à l'heure que le milieu du bijou, et je pense, est quand même aussi très foisonnant. On regarde justement avec la plateforme Etsy ou les marchés de Noël, notamment, ou en été également, on voit beaucoup au plein air. C'est un bel exemple aussi. Comment vous parleriez de la relève là, qui sort de l'école? C'est les gens, justement, sont motivés, j'imagine, partent à leur compte. C'est sûr qu'il y a plusieurs volets pour les étudiants. Comme vous dites, il y a quand même les plateformes là, de vente en ligne. Moi, c'est sûr que lorsque j'ai fini l'école, on était plus dans les diapositives pour présenter des dossiers à des événements. Oui. Mais là, c'est plus des diapos. Il faut présenter quand même des choses. Mais je veux dire, la plateforme de vente puis des réseaux sociaux. Maintenant, l'étudiant a vraiment un autre bagage. Là. Ça, c'est sûr. C'est pas pareil. Puis les événements, c'est sûr, des expositions, c'est très bon. La vente dans des événements comme plein air, puis puis le salon, tous les salons sont bons. Puis pour l'étudiant, c'est une étude de marché en même temps pour évaluer son produit. Oui, exact. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de ça. On va rappeler aux gens, donc ce jeudi 23 mars à 18h, pouvez-vous nous dire l'adresse de l'école pour... C'est 299 la 3e avenue, 3e rue. Puis j'invite à aller aussi sur Facebook, sûrement qu'on va faire un live pendant la soirée. Donc, pour les gens, aller voir s'ils peuvent pas se déplacer. Mais ce serait de nous suivre le restant de l'année pour ça. Ah ben, c'est très intéressant. Donc, et rappeler, c'est ouvert à tous, l'entrée est libre. Donc, vraiment, c'est une grande soirée de fête pour l'École de joaillerie de Québec. Merci beaucoup, Robert Langlois. Ça fait plaisir. Alors, on va faire une petite pause audio et on revient de l'autre côté, la pause. Je suis en compagnie de Marie-Claire Tremblay. Bonsoir, Marie-Claire. Allô, Audrey. Alors, je t'ai envoyée en mission. Oui. La semaine dernière, en disant, j'aimerais que tu ailles découvrir la Clarté de Dieu, qui est, comme je disais d'entrée de jeu tout à l'heure, un lieu qu'on connaît pas beaucoup, aussi qui, comment dire, la publicité est pas non plus énorme, mais qui est un lieu qui peut être fort intéressant. Je pense, en tout cas, toi, tu sembles avoir bien apprécié ta découverte. Oui, pour moi, c'était vraiment une découverte. Oui. J'ai été vraiment heureuse d'être justement chargée de cette mission. Puis en fait, grosso modo, j'ai fait d'agréables rencontres avec des œuvres et avec des gens aussi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas un lieu d'exposition conventionnel, là, faut le dire. Non, exactement. La Clarté de Dieu, le sous-titre, c'est art et spiritualité. Hein? C'est dans le quartier Montcalm. En fait, c'est pas loin, en plus, du Musée national des Beaux-Arts. Donc, c'est un arrêt qu'on peut faire facilement. C'est au coin de Turnbull et Grande Allée. Puis, c'est pas du tout récent. Ça fait 6 ans que la galerie est installée là. Et ça fait même 24 ans que ce projet-là existe. Puis pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la Clarté de Dieu, j'ai envie tout de suite de vous parler d'une personne. Parce que c'est vraiment le pilier, j'ai l'impression. Puis c'est justement lui que j'ai rencontré. Et une charmante bénévole, Madame Bélanger. Mais donc, c'est Roger Chabot qui est prêtre, pasteur, toujours pratiquant, et aussi artiste depuis plusieurs années, depuis une trentaine d'années. Un artiste autodidacte, mais qui a appris de plusieurs personnes, passionné d'art. Et on le voit dans ses yeux. Qui pétille lorsqu'il en parle. Et la Clarté de Dieu, cet espace galerie-là, pour lui, c'est un lieu de rencontre, un lieu de communion autour de l'art. Mm-hmm. Donc là, tu vois, ça m'intéresse parce que, justement, je lui ai expliqué je lui ai demandé un petit peu de définir ce que c'était la Clarté de Dieu, puis pourquoi, justement, est-ce qu'il avait envie de relier art et spiritualité. Puis il m'expliquait ça tout simplement, c'est qu'il me disait la spiritualité, c'est comme l'art, on recherche là-dedans à comprendre la vie, la raison pour laquelle on est là, Hein, puis c'est un peu, dans le fond, le reflet, le regard qu'on pose sur ce qui nous entoure. On voit ça dans l'art et aussi dans la spiritualité. Donc, puis ce que j'ai trouvé aussi tout à fait intéressant de ce lieu-là, c'est que, ben, tu le devineras, Audrey, on attire un public différent. Mm-hmm, c'est certain. C'est ouvert à tous, là, quand même. Oui. Là, faut pas être gêné, faut aller voir, faut aller faire un tour. Mais c'est certain que Monsieur Chabot est prêtre, donc il y a tout un cercle autour de lui de fidèles, en oui. fait, qui sont là. Puis même que le lieu est presque annexé aussi à une résidence, il y a beaucoup de personnes âgées qui habitent là-bas. Donc, puis là, il me parlait de ces dames de 80 ans qui venaient à chaque exposition. Ah, quand donc, même, ils sont des assidus. Exact, c'est ça. Donc nouveau public. Donc, intéressant pour ces raisons-là, d'attirer des nouvelles personnes. Puis aussi, je l'ai trouvé inspirant comme personne parce que, peu importe là, où on est dans la spiritualité, dans notre vie, reste que c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers les gens. Tu sais, il dit, ça fait plusieurs années que je fais ça, que je sors de l'église. Mm-hmm. Puis là, il me parlait du pape François, puis il me disait justement oui. que c'est en lien un peu avec ça. Donc, se retrouver autour de l'art. Mm-hmm. Et là, Audrey, c'est là aussi que ça devient intéressant, c'est que l'exposition qui est présentée là, l'œuvre du temps, c'est pas n'importe quel artiste qui sont oui, là. Ben, c'est ça, c'est quand même tous des vétérans, il faut le oui, dire, ben, hein, des c'est piliers. Ça, là, c'est ça, des piliers, tu sais, des... Paul Béliveau, Jocelyn Gass... Aline Martineau. Aline Martineau. Donc, et Bill Vincent. Et Bill Vincent, donc c'est vraiment... c'est pas n'importe qui justement qu'on va voir dans cette galerie là. Donc ça aussi, ça amène justement à ce grand public à découvrir un petit peu les artistes importants à Québec. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, le titre de l'expo fait penser à ça, l'œuvre du temps. Ben je pense que c'était un peu ça l'idée, mm-hmm. de dire ces artistes là ont une production depuis plusieurs années. C'est ça, oui. C'est ça, parfois plus de 40 ans. La plupart, mm-hmm. en fait. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que ces quatre artistes à peu près grosso modo là, de la même génération, nés à Québec, de parcours assez quand même similaire, mais des propositions complètement différentes oui. de voir comment ils ont évolué dans le temps. Moi, mm-hmm. c'est comme ça que je voyais cette exposition-là. Et je peux peut-être parler des œuvres. Ben oui, allons-y, ouais. parce que tu sais, il faut le dire, hein, on parle de spiritualité, mais il faut toujours dégager ça du religieux aussi, hein, parce que ouais. ce ne sont pas des icônes, là, puis comme on le dit, c'est quand même des artistes contemporains là, qu'on a ici qui ouais. font des propositions contemporaines. Ben, je n'ai pas vu d'œuvres religieuses, mm-hmm. excepté, j'ai été vraiment... agréablement surprise de voir ça. Monsieur Chabot qui me parlait de son réseau d'amis, de contacts oui. dans le milieu artistique et qui était très fier de me présenter son hôtel réalisé par Marc-Antoine Côté. Oui, effectivement, c'est intéressant ça. Oui, oui, on le voit d'ailleurs. On vous invite à aller sur notre page Facebook ou sur notre page web aussi. On a mis la photo de Monsieur Chabot avec Madame Bélanger, c'est oui, ça? Oui, Madame Bélanger. Et ce fameux hôtel voilà. de Marc-Antoine Côté. Marc-Antoine Côté qui a présenté une de ses première expo solo mm-hmm. là-bas. Ah ben intéressant, oui, à la Clarté ça. Dieu, exactement. Ouais. Donc allez voir plusieurs propositions des cartes artistes. D'abord Paul Béliveau qui nous présente une série créée pour cette exposition là complètement qui s'appelle A Contrario. Qui m'a surprise. C'est très beau, hein, de tout petits formats. Tout à fait, inspiré, très coloré, mais très différent des séries précédentes que j'avais vues chez Paul Béliveau. Et c'est ça le mm-hmm. concept. Il parle du groupe des sept dans un de ses textes qui est présenté à côté des œuvres, justement dans l'idée, dans le rappel de la pochade que les artistes du groupe des sept réalisaient sur place, exactement, de petits formats. Mais cette liberté là aussi que le groupe des sept s'accordait d'aller un peu vers la modernité, de laisser tomber les notions d'académisme. Paul mm-hmm. Béliveau voit un peu ce jeu-là, justement, avec ses œuvres qui appellent à contrario, donc qui sont très spontanées, mm-hmm. Finalement. Donc, très, très colorées. Aline Martineau, que vous avez, ben, on en a parlé récemment, elle a gagné le prix Videré Reconnaissance en art visuel exact. En 2016, mm-hmm. Présenté une expo aussi récemment à la Maison à Belle Bruno, et c'est des personnages qu'elle présente. C'est une virtuose du papier. Aline Martineau. Et moi, j'ai trouvé intéressant aussi sa proposition, ces petits personnages qu'on lui connaît bien. Et qu'elle a volontairement installé sur des socles, donc placés en relief. Et j'ai particulièrement apprécié un groupe de personnages comme ça, vraiment habillés de manière anodine, en robe de chambre, avec une mimique très figée, mais ils m'ont fait rire. Je les trouvais rigolos parce qu'ils portaient chacun un énorme chapeau pointu, très très coloré. Donc je sais pas, ça me faisait penser à cette idée-là de mettre de la magie dans notre quotidien, cette contradiction-là entre la tenue casual, si on peut dire, et le chapeau coloré qui faisait écho aussi au petit tableau de Paul Béliveau juste derrière. Je passe rapidement, mais il y a un énorme tableau aussi de Jocelyn Gass. Si vous ne connaissez pas cet artiste, googlez-le, mais allez surtout regarder la capsule de la Fabrique culturelle, un tableau en 11 minutes 30, qui, je trouve, là, c'est court, mais résume vraiment comment Jocelyn Gass travaille, et c'est fascinant, de manière très spontanée, très rapide. Et il va dire, quand je commence à réfléchir en faisant un tableau, il est temps que j'arrête. Donc, pour lui, c'est cette violence-là est nécessaire, cette rapidité. L'énergie, justement, de la création tout qui se fait. Manifeste. Tout à fait. Un tableau quand même très sombre, ça, c'est typique de ces derniers tableaux aussi. Peut-être un pessimisme dans certains tableaux, un esprit un petit peu contestataire sur ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, on sent ça aussi dans ses propos. Ça fait un contrepoids aux deux autres auparavant. Oui, exactement. C'est correct. Et il reste Bill Vincent aussi. Bill Vincent, j'ai vraiment apprécié son travail. Vous savez, c'est un graveur impliqué justement chez Engram dès les débuts 70. Et on sent ça, on sent l'esprit de la gravure dans ces tableaux qui est fait. J'ai beaucoup apprécié les couches, certains papiers à coller. Il y a une technique vraiment particulière qu'il faut voir. En même temps, cette accumulation-là de couches et en même temps, ce travail du support avec le relief gravé. On sent le bois aussi dans ce tableau-là. C'est deux tableaux qui, sur le sujet du bois, de l'arbre, des branches, de l'enracinement et tout ça. Donc, j'ai particulièrement apprécié ce tableau-là. Fait que finalement, c'est comme tu le dis, pour résumer, ce fut une très belle découverte et je pense que ce ne sera pas ta dernière visite. Non, c'est ajouté sur ma liste d'endroits à faire à Québec pour voir des belles expositions d'art actuel. Donc, on peut voir ça, c'est au 220 Grande Allée Est, je pense. Exactement, c'est au coin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la rue Turnbull et de la Grande Allée. Soyez vigilants, c'est pas tout à fait inscrit sur la porte même, mais il y a des indications dans les fenêtres. Et puis, attention, c'est ouvert du jeudi au dimanche. Oui. Et l'exposition termine le 26 mars. Donc, il faut y aller vite. C'est ça, cette fin de semaine. Bon, je te remercie beaucoup, Marie-Claire, d'avoir été en mission pour nous. Ça m'a fait plaisir. Alors, on fait une très courte pause audio, toujours avec Cinéma Noir, et on revient avec l'agenda de la semaine. bien, on se retrouve comme toujours avec l'agenda de la semaine qui, je vous le disais, est très chargé cette semaine. On commence par demain, 22 mars, il y a une conférence de Sophie-Jeanne Arien et Patrick Turmel intitulée « L'art de la joie au Musée national des beaux-arts du Québec ». C'est à 18h30. Ce jeudi, c'est, je vous dirais, pas mal la journée des gros événements. Donc, il y a une conférence de Karen-Hélène Spencer à 16h30 à l'École d'art de l'Université Laval. C'est dans la salle de critique 3153. Ça s'inscrit, cette conférence-là, dans une série de conférences sur l'art et l'écrit. Donc, une artiste qui travaille l'écriture et le texte, mais dont le travail aussi s'immisce dans le paysage urbain. Donc, à découvrir. Après ça, il y a la présentation de la résidence d'Héloïse Guénard à 17h à la Chambre Blanche. Le vernissage Mon Autre Alter Ego, donc un collectif d'artistes femmes, donc à découvrir à Espace Parenthèse, donc dès 17h30. Vernissage de l'exposition aussi Perception du collectif Filière 11, avec qui on a légèrement abordé avec Robert Langlois tout à l'heure, à 18h, donc à l'École de joaillerie, mais c'est aussi tout le 30e anniversaire de l'école à ce moment-là qu'il ne faut pas manquer, donc à l'École de joaillerie de Québec. Et il y a également le vernissage du Mars de la maîtrise dès 18h aux ateliers du Roulement Abbaye, 336 rue Sainte-Hélène. Et tout cet événement-là, donc du Mars de la maîtrise, a lieu du 24 au 26 mars, donc cette fin de semaine. Les ateliers vont être ouverts de midi à 17h et il y a une soirée de performance le 24 mars, donc à 19h. Et ce vendredi, le lancement de Inter, le numéro 125, donc sur les connectivités, à 17h au lieu. Également, ça sera suivi du vernissage de l'exposition Le Double d'Alexis Bellavance, qui débute à 19h, et on va recevoir au téléphone, justement, la semaine prochaine, Alexis Bellavance au sujet de cette exposition. Également, 24 et 25 mars, c'est la deuxième foire d'art définissant du baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'École d'art. C'est de l'autre côté, à Lévis, à la galerie Archipel et Lilo, donc de 11h à 20h30. C'est pour aider à financer leur exposition de fin d'études qui sera commissariée par Fanny Ménard et Isabelle Demers. Il y a aussi, bien sûr, l'exposition Sarah va mettre ça propre, bien sûr, à ne pas manquer vendredi et samedi. Et également, mardi prochain, souper bénéfice définissant toujours au baccalauréat en arts visuels à la Corrigane à 18h30. Billet 20$. Vous avez une poutine et une pinte de bière de la place. Et c'est la dernière semaine pour voir justement l'exposition à la Clarté Dieu, voir aussi les expositions à Regard et à la Galerie des arts visuels Jean-Christophe Normand. C'est là-dessus qu'on termine l'émission. Je vous invite bien sûr à consulter notre page web, l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com, et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Merci à nos invités, Sarah Thibault, Mathilde Leveau, Anne-Christine Guy et Robert Langlois, à Marie-Claire Tremblay, bien sûr, Jacques Gignac, ici, qu'on pourrait dire notre riopel de la mise en onde. Également, salutations à Jean-Tiens de la France, qui est toujours au boulot. La semaine prochaine, restez avec nous parce qu'on va parler de la filière 11, d'Alexis Bellavance du collectif Mon Autre Alter Ego et également une chronique d'Émilie Porakia. Bien sûr, restez à l'écoute de CKRL parce que de l'autre côté de la pause, c'est Pierre Blais et son équipe qui va vous parler de cinéma à l'émission Situation Critique, en vous souhaitant une très belle semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Le Radiothon CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochains. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 31 mars 17h. Et vous pourriez gagner le prix spécial prix Radiothon et le prix membre. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Le 12 avril prochain, West Trains, sous la direction d'Éric Westmillette, vous propose un voyage multimédia rétro-futuriste qui dépeint une vision poétique de l'univers ferroviaire. Récipiendaire de l'album instrumental de l'année à la disque en 2016, West Trains se veut un hommage musical et visuel aux grands express transcontinentaux. Bienvenue, mesdames et messieurs.